إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، اعلموا أن إبراهيم عليه السلام اتخذه الله عز وجل خليلا، وجعله إماما للناس وقدوة، وفي مسير حياته الحافلة بالأحداث العظام والابتلاءات الجسام عبر، وأي عبر؟ من تلكم العبر أن الله سبحانه وتعالى بعثه والكفر قد أطبق على أهل الأرض، فمنهم من يعبد الكواكب، ومنهم من يعبد بعض الطواغيت التي ادعت الربوبية. فدعا إبراهيم عليه السلام إلى عبادة ربه وحده لا شريك له، ودعا إلى الكفر بما سواه من المعبودات. وأول من واجهه بدعوته أبوه آزر، لأنه أحق الناس ببره ونصحه، فقال له إبراهيم كما حكاه الله سبحانه وتعالى: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فدعا أباه إلى الحق بألطف عبارة وأحسن إشارة، وبين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء عابدها، ولا تبصر مكانه، فكيف يرجى منها أن تنفع بجلب خير أو رزق أو نصر أو دفع ضرر؟ ثم نبهه إلى أن الله عز وجل أعطاه من الهدى والعلم وإن كان أصغر سنا من أبيه ما ليس عنده، وأنه إنما يدعوه إلى طريق واضح سهل مستقيم يوصل من سلكه إلى خير الدنيا والآخرة. فما كان من أبيه إلا أن قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ وهكذا يفعل الشرك والإلحاد بأهله، حيث يغلق عقولهم ويحجب عنها النور. ثم قابل إبراهيم عليه السلام قابل آزر الإحسان بالإساءة، فقال: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. فرد عليه إبراهيم بأحسن رد فقال: سلام عليك، أي لا يصلك مني مكروه ولا ينالك مني أذى. ثم زاده فقال: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي لطيفا بي، حيث هداني لعبادته وحده. وقد وفى إبراهيم لأبيه ما وعده فاستغفر له، ولما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر فترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: أي يقول آزر: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد أي الأبعد عن رحمة الله والأبعد عن الجنة. فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك، أي انظر ما تحت رجليك. فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، أي بضبع متلوث، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. أي أن الله عز وجل يمسخ أبا إبراهيم على صورة ضبع متلطخ بعذرته أو بالطين والعياذ بالله، ثم يلقى في جهنم. تشيشه مزلمان كإبراهيم عليه السلام إلى ميداتشيم إلى ميداتشيم دالله سبحانه وتعالى. Et Allah Azza wa Jalla fait du prophète Ibrahim un guide pour les gens. Et il y a dans la vie d'Ibrahim alayhi salam, qui était pleine de grands événements, de nombreuses leçons à retenir. Et nous allons citer durant ce discours du vendredi quelques leçons que l'on tire de quelques événements de la vie d'Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam, Allah Azza wa Jalla l'a envoyé alors que la mécréance avait recouvert l'ensemble des habitants de la terre. Illa man rahim Allah, ce qu'Allah Azza wa Jalla, sauf ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait entrer dans sa miséricorde. Il y avait ceux qui adoraient les planètes, les astres. Il y avait ceux qui adoraient des êtres humains qui se prétendaient des divinités en dehors d'Allah. Ibrahim alayhi salam, au milieu de ce polythéisme, a appelé à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla seul. Et a appelé à mécroire à toute divinité adorée en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le premier à avoir fait face à Ibrahim était son père, Azar. Car Ibrahim, alayhi salam, a commencé à appeler à Allah, azza wa jal, et à l'adoration d'Allah. Il a commencé à appeler tout d'abord son père. Il lui a dit, comme le relate Allah, azza wa jal, dans son noble livre, « Ô mon père, pourquoi adores-tu ce qui ni n'entend ni ne voit et ne te profite en rien. Ô mon père, il m'est venu de la science que tu n'as pas reçue. Suis-moi donc, je te guiderai sur une voie droite. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. » Il a donc appelé son père à la vérité, en utilisant les paroles les plus douces et les paroles les plus sincères, les paroles les plus claires. Il lui a montré la fausseté de ce qu'il adorait en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que ces divinités n'entendent pas ceux qui les adorent, ne voient pas ceux qui les adorent, et ne peuvent leur être d'aucun bénéfice. Puis, il a attiré l'attention de son père, qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, avait donné à Ibrahim une guidée, une science, et que le fait qu'il soit plus jeune que lui, et le fait qu'il soit son fils, ne signifie pas qu'il ne peut pas avoir une science supérieure à son père ou à une personne plus âgée. Mais son père lui a répondu en disant: « Aurais-tu du mépris pour mes divinités, ô Ibrahim ?» Ainsi est le polythéisme. Il scelle la raison de ceux qui adorent des divinités en dehors d'Allah Azza wa Jal, et les prive et les couvre, et empêche la lumière de la foi de pénétrer leur cœur. Puis le père d'Ibrahim, Azar, a répondu à la bienfaisance par la méchanceté, et lui a dit: « Si tu ne cesses pas, je te lapiderai, éloigne-toi de moi pour bien longtemps. » Ibrahim alayhi salam lui a répondu avec douceur encore une fois, en lui disant « Paix sur toi », c'est-à-dire « Tu ne seras jamais touché d'un mal provenant de moi. » Et il a ajouté à ce bon comportement en disant « J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. » Ainsi a fait Ibrahim alayhi salam. Il a demandé à Allah azawajal de pardonner à son père. Puis, lorsqu'il est apparu à Ibrahim que son père Hazar était un ennemi d'Allah, il s'est alors désavoué de lui. Al-Bukhari rapporte dans son Sahih, selon Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, il dit que Ibrahim rencontrera son père Hazar le jour du jugement et il y aura dans le visage de Hazar une noirceur qui marquera la peine et qui marquera la tristesse. Son visage sera noirci et sera recouvert de poussière. Ibrahim alayhi salam lui dira, ne t'avais-je pas dit de ne pas me désobéir? Et son père lui répondra, aujourd'hui je ne te désobéirai pas. Ibrahim alayhi salam s'est donc adressé à Allah azawajal en disant, ô Seigneur, tu m'as promis de ne pas m'humilier le jour où ils seront ressuscités. Et quelle humiliation est plus grande que de voir son père éloigné, c'est-à-dire du paradis et de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Allah subhanahu wa ta'ala dira, j'ai interdit le paradis aux non-musulmans. Puis il sera dit à Ibrahim, regarde à tes pieds. Il regardera et il verra alors un hyène plein de saleté. Et l'on prendra ce hyène de par ses pattes et il sera jeté en enfer. C'est-à-dire qu'Allah Azzawajal transformera le père d'Ibrahim Hazar en un animal, en un hyène qui a une apparence répugnante et qui est recouvert de saleté. Et il sera pris par les pattes et sera jeté en enfer. Wal'iyadu billah. Wa fi hada al-mawqif min hayati Ibrahim, fawaidu jalila. ومنها أن الداعي إلى الله ينبغي أن يبدأ أولا ببيته وأهله فإنهم أولى الناس بخيره وبره ونصحه ومنها أن الداعي ينبغي أن يتلطف في العبارة ولا سيما إن كان المدعو أكبر منه سنا أو رتبة حتى تكون دعوته حرية بالقبول ومنها أن إبراهيم هو خليل الرحمن لا يملك لنفسه ولا لوالديه ضرا ولا نفعا ولو كان يملك شيئا من ذلك لنفع أباه وإذا كان هذا حال إبراهيم عليه السلام فما الظن بغيره فالواجب أن تتعلق القلوب ببارئها وخالقها ومدبرها وأن لا تتعلق بالأنبياء ولا بالأولياء ولا بالصالحين فضلا عن الجمادات والأشجار والأحجار. Et de cet événement entre Ibrahim et son père Hazar, il y a des leçons à retenir. Tout d'abord, le fait que celui qui appelle à l'islam doit d'abord commencer par appeler les habitants de sa maison et sa famille, car ce sont les personnes qui méritent le plus de bénéficier de son bien et de ses conseils précieux. Également, on retient de cet événement entre Ibrahim et son père que celui qui appelle à l'islam, que celui qui appelle à Allah Azzawajal doit utiliser les bonnes expressions et surtout il doit bien s'exprimer de façon douce, surtout lorsque celui qui l'appelle est plus grand que lui et plus âgé que lui. Surtout lorsque la personne qui l'appelle à adorer Allah Azzawajal comme il se doit a une stature plus importante que la sienne. Car en utilisant des paroles douces, eh bien cela est plus à même à ce que le message soit accepté par cette personne. Également, on retient de cette histoire que Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pour lui-même ni pour ses parents, il ne peut ni repousser d'eux le mal, ni leur apporter un bien. Et que si Ibrahim alayhi salam avait cette capacité d'apporter un bien, eh bien il aurait apporté un bien à son père. Si la situation d'Ibrahim alayhi salam et si le cas d'Ibrahim alayhi salam, qui est l'ami intime d'Allah, est ainsi, que dire d'autre que Ibrahim? Ainsi, le cœur des serviteurs doit être attaché à leur Seigneur, à leur Créateur, à leur Administrateur, et le cœur des croyants ne doivent pas être attachés ni aux prophètes, ni aux saints, ni aux vertueux, et encore moins à toute chose inerte et à toute chose adorée en dehors d'Allah, que ce soit des animaux, que ce soit des pierres ou autres. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ومن مقامات إبراهيم عليه السلام في سبيل ربه محاجته للملك الذي ادعى الربوبية فلم تمنع هيبة الملك إبراهيم أن يجادله ويحاجه بالحق فقال له إبراهيم رب الذي يحيي ويميت قال الملك أنا أحيي وأميت فخشي إبراهيم عليه السلام أن تنطلي هذه السفاهة على بعض من حضر فجاءه بحجة واضحة لا تخفى على أحد فقال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إن كنت تحيي وتميت فأنت الذي تفعل ما تشاء فقد قهرت كل شيء فهذه الشمس تطلع كل يوم من المشرق فإن كنت كما تزعم فأتي بها من المغرب فبهت وتحجر وانقطع وانعقد لسانه وتبين لكل أحد كذبه فقال تعالى فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Et parmi les positions d'Ibrahim عليه السلام et les événements ainsi que les épreuves qu'il a dû surmonter dans son appel au chemin et au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce débat qu'il a eu avec ce roi qui prétendait être le seigneur de l'univers. Et la carrure de ce roi n'a pas empêché Ibrahim alayhi salam de débattre avec lui et de faire éclater la vérité au grand jour. Ibrahim lui a dit, mon Seigneur est celui qui donne la vie, qui donne la mort. Et ce roi a répondu, moi aussi, je donne la vie, je donne la mort. Ibrahim alayhi salam avait peur que ces paroles de ce roi ne touchent certaines personnes faibles d'esprit. Il a alors voulu apporter une preuve claire et évidente qui ne pourra échapper à personne pour montrer que ce roi n'est autre qu'un menteur. Ibrahim alayhi salam lui a dit, comme le relate Allah Azza wa Jal, Allah apporte le soleil par l'Orient, apporte-le donc par l'Occident. C'est-à-dire, si toi tu prétends réellement, si tu es réellement comme tu le prétends, ayant le pouvoir de donner la vie, de donner la mort, si tu es ainsi et que tu prétends faire ce que tu veux et que tu as la suprématie sur toute chose, alors voici le soleil qui chaque jour se lève à l'est et se couche à l'ouest. Si tu es comme tu le prétends, alors fais venir le soleil par l'ouest. Et ainsi, ce roi est resté sans voix. Il s'est déstabilisé. Et son mensonge est apparu à toute personne. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal, il resta, c'est-à-dire celui qui a mécru, il resta alors confondu. Et Allah ne guide pas le peuple des injustes. واتخذ الله إبراهيم خليلا وهي رتبة لم ينلها أحد من الخلق إلا إبراهيم كما ثبتت بنص القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم أيضا هو خليل الرحمن كما ثبتت بذلك السنة قال عليه الصلاة والسلام ولكن صاحبكم خليل الرحمن وجعل الله الأنبياء من بعده كلهم من ذريته وأثابه الله عز وجل أثاب إبراهيم بأن شرفه ببناء بيته العتيق، وجعل من مقامه مصلى، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم من ذريته، وشرع للمصلين أن يصلوا عليه في التشهد في كل صلاة، ويثيبه في الآخرة بأن يجعله أول من يكسى يوم يخرج الناس عراة من قبورهم. وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم والناس بعده بأن يتبعوا ملة إبراهيم، وملته هي التوحيد الخالص، بأن يعبد الله وحده وأن لا يشرك بالله أحد. قال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله عز وجل أذنك إبراهيم عليه السلام كم سنامي أنتيم ce statut d'ami intime est le degré le plus élevé que puisse espérer un être humain vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce degré suprême n'a été accordé qu'à Ibrahim alayhi salam et à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ibrahim, Allah azza wa jal dit wattakhadha Allah Ibrahim khalila. Allah a pris comme ami intime Ibrahim. Et quant à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans sa sunna authentique, mais votre compagnon, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est l'ami intime du tout miséricordieux. Allah azza wa jal a fait en sorte que tous les prophètes après Ibrahim fassent partie de sa descendance. Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala, a accordé une faveur immense à Ibrahim alayhi salam en lui permettant de construire sa maison antique, en lui permettant de construire la Kaaba, et en faisant en sorte que l'endroit dans lequel il s'est posé pour construire la Kaaba soit un lieu de prière par la suite. Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits Ibrahim alayhi salam en faisant en sorte que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître des fils d'Adam, fasse partie de sa descendance. Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits Ibrahim en légiférant aux prieurs de faire les éloges de Ibrahim alayhi salam durant le tashahhud dans chaque prière. Et Allah Azza wa Jal a comblé de bienfaits Ibrahim alayhi salam en faisant en sorte que ce soit lui le premier qui sera vêtu le jour du jugement, le jour où les gens sortiront nus de leur tombe. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est vu ordonner, de même que les gens après lui, de suivre la religion d'Ibrahim. Et la religion d'Ibrahim alayhi salam n'est autre que l'unicité pure et sincère, n'est autre que l'adoration exclusivement vouée à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens, Ibrahim était un guide parfait, il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits, et Allah l'a élu et guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné une belle part ici-bas, et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. Puis, nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, suis la religion d'Ibrahim, qui était vouée exclusivement à Allah et n'était pas parmi les associateurs. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.